Scène 3e, Vauxhall Walk, Lambeth. Chapitre 1er. L'antique palais archiépiscopal de Lambeth, sur la rive méridionale de la Tamise, avec sa promenade et son jardin de l'évêque, et sa terrasse bordant le fleuve, est une relique architecturale de l'ancien Londres, précieuse à tous les gens épris du pittoresque, dans le Londres utilitaire que les temps modernes nous ont fait. Au sud de ce vénérable édifice serpente le labyrinthe de rues que l'on appelle Lambeth, et à peu près au centre de ce réseau de maisons placées dans le voisinage de la rivière, court cette double rangée de bâtiments enfumés qu'on appelait jadis, qu'on appelle encore, Vauxhall Hall Walk. Cet entrelacement de rues obscures, qui avoisine et entoure Vauxhall Walk, renferme une population généralement de l'ordre le plus misérable. Dans ces voies publiques, où les petits magasins abondent, la lutte sordide engagée contre la misère se montre sans déguisement sur les trottoirs fangeux. Elle y accumule ses forces dans le cours de la semaine, et prenant dès le samedi soir les proportions d'une véritable émeute, elle y voit poindre l'aurore du dimanche parmi les ternes lueurs d'un gaz douteux. De misérables femmes dont le visage ne sourit jamais, dans les quartiers de Londres analogues à celui-ci, hantent les boucheries, tenant serrées dans leurs mains la petite portion du salaire conjugal qu'elles ont pu disputer au cabaret. Leurs yeux dévorent cette viande qu'elles n'osent acheter et sur laquelle se portent machinalement leurs doigts avides, comme la main d'une élégante va d'elle-même caresser un bijou précieux. Dans ce district, comme dans tous ceux qui s'écartent des quartiers riches de la capitale, le hideux vagabond de Londres, au langage plus beau que le pavé, aux vêtements plus sales que la boue, s'attarde, insolent et brutal, au tournant des rues, au seuil des gin shops, déshonneur public pour son pays, précurseur trop méprisé des catastrophes sociales que nous garde l'avenir. Là, le progrès moderne, qui a tant réformé les mœurs et si peu changé les hommes, rencontre un démenti direct qui disperse au vent ses prétentions bruyantes. Là, tandis que la prospérité nationale se repaît comme un autre Balthazar du spectacle de sa propre magnificence, on voit écrite la sentence mystérieuse de par laquelle l'idole régnante, le monarque argent, est averti que sa gloire est pesée dans la balance et que son pouvoir a été trouvé léger. Grâce à un pareil voisinage, Vauxhall Walk, qui gagne la comparaison, peut revendiquer d'incontestable droit à une sorte de considération relative. Ce sont des maisons particulières qui, la plupart du temps, bornent cette espèce de boulevard. Si quelques boutiques se montrent çà et là, elles ne sont point assiégées par ces foules grossières des voies publiques où le peuple circule à flots plus pressés. Le commerce n'y est pas turbulent. Le consommateur qui passe n'est pas poursuivi de clameurs importunes, d'invitations indiscrètes. Les marchands d'oiseaux sont venus naturellement se réfugier dans cette région, que sa tranquillité leur recommandait. Les pigeons roucoulent et les canaries gazouillent dans Vauxhall Walk. On trouve entassés là, dans le même entrepôt, des charrettes et des cabriolets d'occasion, des bols de lit d'un certain âge et des roues dépareillées. Un des courants tributaires du grand fleuve de gaz qui éclaire Londres prend sa source dans une fabrique établie en cet endroit. Là aussi, les sectateurs de John Wesley ont placé un temple, bâti bien évidemment avant l'époque où le méthodisme s'est converti au culte de l'architecture. Et là aussi, spectacle frappant entre tous, sur l'emplacement où des milliers de bougies s'allumaient jadis, et où, jusqu'au lever du soleil, la musique prêtait ses harmonies à la nuit, où, durant tout un siècle, chaque été a vu revenir l'élite des beautés à la mode, s'étale aujourd'hui un imposant désert de boue et de bric-à-brac, le cadavre des jardins de Vauxhall, livré à l'abandon et pourrissant en plein air. Le jour même où le capitaine Raig complétait, comme on l'a vu, sa chronique des événements, une femme parut à la fenêtre d'une des maisons de Vauxhall Walk et détacha des carreaux une affiche imprimée, annonçant qu'il y avait là un appartement à louer. Cet appartement consistait en deux chambres au premier étage. Elle venait d'être retenue pour 8 jours par 2 dames qui avaient payé d'avance. Ces 2 dames étaient Magdalene et Mrs. Raig. Aussitôt que la maîtresse du logis eut quitté la chambre, Magdalène se rapprocha de la fenêtre et observa de là, non sans précaution, la rangée de bâtiments qui lui faisaient face. Par leurs dimensions et leur aspect, ils affichaient de plus hautes prétentions que les autres maisons de la promenade. La date de leur érection était inscrite sur l'un d'eux, qui portait ce chiffre, 1759. Ils semblaient se tenir à l'écart de la chaussée, dont quelques jardinets grillés les séparaient. Cette position particulière, et aussi la largeur de l'espèce de boulevard placée entre eux et les petites maisons d'en face, rendait impossible à Magdalène de lire le numéro des portes. Et si quelqu'un se montrait à la fenêtre, elle ne pouvait distinguer que l'ensemble de la taille et du costume. Elle n'en demeurait pas moins là, tenant ses regards obstinément arrêtés sur l'une de ces maisons situées presque vis-à-vis d'elle. Maison qu'elle avait examinée avant de choisir son appartement, maison présentement occupée par Noël Vanstone et Mrs. LeCount. Après 10 minutes de cette observation silencieuse, elle tourna brusquement la tête pour étudier l'effet que sa conduite avait pu produire sur sa compagne de voyage. Il n'y avait évidemment rien à redouter de ce côté. Mrs. Reig, assise devant une table et complètement absorbée, classait une série de prospectus sémillants et d'annonces tentatrices mises en circulation par les négociants à grand fracas et dont on avait inondé ces dames par les portières de leur fiacre au moment où elles quittaient la gare du chemin de fer. « J'ai souvent ouï parler de factures divertissantes, » disait Mrs. Reig, changeant à chaque instant l'ordre de ses petits papiers, de même qu'un enfant ronge et dérange sans cesse l'assortiment de joujoux qu'on vient de lui donner. Voilà une lecture amusante et si joliment imprimée en couleur. Voilà les objets divers que je veux acheter quand j'irai demain courir les boutiques. Un crayon, je vous prie. Vous ne m'en voulez pas, n'est-il pas vrai? J'ai tant envie de faire mon choix d'avance. » Là-dessus, elle regarda Magdalène, riant comme en dépit d'elle à l'idée des changements survenus dans sa vie et de ses grandes mains frappant la table dans un irrésistible élan de satisfaction. « Plus de livres de cuisine, » s'écria-t-elle, « plus de bourdonnements dans la tête, plus de capitaine à barbifler demain. Mes 2 souliers sont en pantoufles, mon bonnet est de travers, et personne ne me crie après. Sur mon âme, voilà ce qu'on peut appeler un jour de fête. » Ses mains recommencèrent à tambouriner sur la table, plus haut que jamais, jusqu'à ce que Magdalène songea à les calmer en lui présentant un crayon. Mrs. Reig, à l'instant même, recouvra sa dignité, s'accouda carrément sur la table et s'abandonna pour le reste de la soirée à une course chimérique dans tous les magasins de la capitale. Magdalène retourna vers la croisée. Elle prit un fauteuil, s'assit derrière le rideau et fixa de nouveau ses regards sur la maison d'en face. Les jalousies étaient baissées sur les fenêtres du premier et du second étage. La fenêtre de l'unique pièce du rez-de-chaussée n'était au contraire masquée par rien, et même elle était entr'ouverte. Mais personne ne s'en approchait. Les portes s'ouvraient l'une après l'autre. Les gens allaient et venaient dans les maisons situées à droite et à gauche de celle-ci. Des enfants en sortaient par douzaines pour aller jouer sur la chaussée, escaladant les jardinets quand ils avaient à courir après une balle vagabonde ou un volant égaré. Un double courant de population remontait et descendait perpétuellement le boulevard. De lourds wagons, où des marchandises s'empilaient à une hauteur prodigieuse, longeait cette route pour se rendre à la station voisine ou en revenir. Bref, dans toutes les directions, sauf une seule, la vie quotidienne du district se manifesta par une incessante activité. Les heures passaient, et la maison d'en face était toujours là, close et silencieuse, ne révélant par aucun signe quelconque la présence d'un être humain. Le seul motif qui eût décidé Magdalène à s'aventurer personnellement dans Vauxhall Walk, savoir le désir d'étudier, abritée dans un poste d'observation connu d'elle seule, la physionomie, les dehors, les habitudes de Mrs. LeCount et de son maître, ce motif se trouvait jusque-là complètement déjoué. Après 3 heures de guet à la fenêtre, elle n'avait encore rien découvert qui peut même lui apprendre si la maison était habitée. Peu après 6 heures, l'hôtesse vint troubler les études de Mrs. Reig en mettant la nappe pour le dîner. Magdalène se plaça pour manger de manière à ne pas interrompre le cours d'observation qu'elle avait commencé à sa fenêtre. Ce fut en vain, car rien n'arriva de nouveau. Le dîner s'acheva. Mrs. Reig, soumise à l'influence narcotique de ses annotations et à celle d'un repas où elle avait montré que l'absence du capitaine aiguisait singulièrement son appétit, Mrs. Reig se réfugia au fond d'un grand fauteuil et s'y endormit dans une attitude qui aurait infligé à son mari une véritable torture mentale. 7 heures sonnèrent. Les ombres d'un soir d'été s'allongèrent à la dérobée sur la chaussée blanchâtre et sur les murs bruns qui la bordaient. Et cependant, la porte close de la maison d'en face ne s'était pas ouverte. Et l'unique fenêtre qui laissa y pénétrer le regard ne lui livrait que le vide obscur d'une chambre déserte, aussi dépourvue de vie et de mouvement que si cette chambre eût été une tombe. Les paisibles ronflements de Mrs. Reig avaient pris un accent plus grave. La soirée avançait tristement. 8 heures allaient sonner, lorsqu'un incident à la fin se produisit. Pour la première fois, la porte de la maison d'en face vint à s'ouvrir et une femme parut sur le seuil. Cette femme était-elle Mrs. LeCount? Non, certainement. Vue de plus près, on la reconnaissait à son costume pour une domestique. Elle tenait à la main une grosse clé et bien certainement allait faire quelques commissions. En partie par curiosité, en partie sous l'impulsion du moment qui, après tant d'heures d'attention passive, provoquait à l'action son impétueuse nature, Magdalène, ranimée tout à coup, jeta vivement un chapeau sur sa tête et résolut de suivre ses domestiques en quelque lieu qu'on l'eût expédié. Elles arrivèrent, sur les pas l'une de l'autre, à cette grande avenue de magasins située dans un voisinage immédiat et qu'on appelle Lambeth Walk. Après y avoir fait quelques pas, en regardant autour d'elle avec l'hésitation d'une personne qui ne connaît pas très bien les êtres, la domestique traversa la rue pour entrer chez un papetier. Magdalène de même traversa la rue et entra, elle aussi, dans ce magasin. L'inévitable délai que comportait une démarche de ce genre fut cause que Magdalène arriva trop tard pour entendre ce que demandait la domestique. Mais les premières paroles prononcées par le commis placé au comptoir parvinrent à ses oreilles et lui apprirent que cette femme venait acheter un indicateur des chemins de fer. « Est-ce celui de ce mois ou l'indicateur de juillet ?» demanda le marchand, s'adressant à sa pratique. « Monsieur ne m'a pas dit lequel, » répondit celle-ci. « Je sais seulement qu'il part après-demain pour la campagne. » « Après-demain est le 1er juillet, » dit le marchand. « L'indicateur dont votre maître a besoin est celui du mois prochain. C'est demain seulement qu'il paraîtra. » Remettant dès lors son emplette au lendemain, la domestique sortit du magasin et prit la direction qui la ramenait dans Vauxhall Walk. Magdalène acheta la première bagatelle qu'elle vit sur le comptoir et se hâta elle aussi de revenir du même côté. La découverte qu'elle venait de faire était fort importante pour elle et lui faisait sentir la nécessité d'agir avec aussi peu de retard que possible. En entrant dans la pièce où elle avait laissé Mrs. Reig, elle l'y trouva qui venait de se réveiller, perdu encore dans une sorte d'étonnement engourdi, son bonnet pendant sur ses épaules et occupé à chercher un de ses souliers complètement égaré. Magdalène entreprit de lui persuader que le voyage avait dû la fatiguer beaucoup et que le plus sage pour elle serait de s'aller mettre au lit incontinent. Mrs. Reig ne demandait pas mieux que de suivre ce conseil, pourvu seulement qu'elle eût d'abord retrouvé son soulier. Par malheur, en cherchant celui-ci, elle remit la main sur les prospectus qu'il avait occupés 2 heures auparavant. « le crayon !» disait Mrs. Reig, battant les prospectus comme un joueur pressé bat ses cartes. « Je ne puis encore m'aller coucher. Je n'ai pas encore marqué la moitié des objets dont j'ai besoin. Voyons donc, où en suis-je resté ?»« Essayez pour les enfants le biberon breveté de Finch. Non. J'y ai mis une croix et la croix veut dire que je n'en ai pas besoin. Confortable au champ, culotte de chasse indestructible de Buckler. Oh mon Dieu, j'ai perdu l'endroit. Non, non, le voici. Voici ce que j'avais marqué. Robes élégantes de cachemire, strictement orientales et de très bon goût, baisse de prix à 1 livre sterling, 19 shillings et 6 pence. Qu'on se hâte. Il n'en reste que 3. Plus que 3. Prêtez-moi vite de l'argent. Et allons en chercher une. Pas ce soir, dit Magdalène. Ne vaudrait-il pas mieux vous mettre au lit maintenant et achever demain de lire les prospectus ? Je les mettrai sur la table de nuit, à côté de vous, et vous les trouverez là, sous votre main, à peine éveillés. » Cette suggestion fut accueillie par Mrs. Reig. Magdalen l'emmena dans la chambre voisine et la mit au lit, comme une enfant, ses joujoux à côté d'elle. Cette pièce était si étroite et le lit si petit, et Mrs. Reig, dans le blanc appareil exigé par la circonstance, avec sa pleine lune encadrée par la spacieuse auréole de son bonnet de nuit, semblait taillée dans des proportions si vastes et si peu en rapport avec tout ce qui l'entourait, que Magdalen, si inquiète qu'elle fût, ne put retenir un sourire en prenant congé pour la nuit de son étrange compagne. « Ah ah !» s'écria joyeusement Mrs. Reig. « C'est demain que nous aurons la robe de cachemire. Approchez, je vais vous dire quelque chose à l'oreille. Regardez bien comme je suis. Je vais dormir en zigzag, et le capitaine n'est pas là pour me crier après. » Dans la chambre donnant sur la rue, se trouvait une espèce de sofa-lit que l'hôtesse vint arranger pour Magdalen. Ceci fait et les flambeaux apportés, la jeune fille fut laissée à elle-même et put régler à loisir ses démarches futures selon ses propres inspirations. D'après les questions et les réponses échangées devant elle, ce soir-là même chez le papetier, il était évident que la résidence actuelle de Noel Vanstone dans Vauxhall Walk ne devait plus se prolonger au-delà de 24 heures. La prudente résolution qu'elle avait prise tout d'abord, d'observer secrètement la maison d'en face pendant plusieurs jours avant de se risquer à y pénétrer, se trouvait complètement frustrée par le tour donné aux événements. Elle était placée dans ce dilemme, affronter aveuglément tous les risques dès le lendemain, ou attendre une occasion qui pouvait bien ne se présenter jamais. Aucun terme moyen ne lui était offert. Jusqu'à ce qu'elle eût vu Noel Vanstone de ses propres yeux et découvert tout ce qu'il y avait à craindre de Mrs. LeCount, jusqu'à ce qu'elle lui atteint ce double but en prenant bien soin de s'abriter elle-même dans les ténèbres, il lui était interdit de faire un pas de plus vers l'accomplissement du dessein qui l'avait amené à Londres. Minute par minute, la nuit s'achevait. L'une après l'autre, les pensées accumulées dans son esprit se succédaient rapidement, et pourtant elle n'arrivait à aucune conclusion, assiégée de doutes, de craintes, d'hésitations qui la faisaient ne plus se reconnaître elle-même. Elle finit par traverser la chambre avec impatience pour se procurer un instant de trêve en prenant dans sa malle les objets nécessaires à sa toilette de nuit. Les soupçons du capitaine Reig ne l'avaient point trompée. Dans cette caisse, cachée entre deux vêtements de jour, se trouvaient en effet les éléments du costume travesti qu'il avait vainement cherché dans la malle laissée à Birmingham. Magdalen les examina l'un après l'autre pour s'assurer que rien d'essentiel n'avait été oublié, puis elle vint reprendre, auprès de la fenêtre, son poste d'observation. La maison d'en face était du haut en bas plongée dans l'obscurité, sauf pourtant le salon du rez-de-chaussée. On avait rabattu sur la fenêtre les jalousies précédemment soulevées. La clarté filtrant à travers ses interstices révélait pour la première fois à Magdalen que cette pièce fut habitée. En la contemplant, ses yeux brillèrent, son teint s'anima. « Il est là !» se disait-elle tout bas avec un murmure irrité. « C'est là qu'il vit, de notre argent. Dans la maison, son père lui a prescrit de ne pas m'admettre. » Elle laissa retomber la jalousie qu'elle avait soulevée pour regarder au dehors, revint vers sa caisse et en retira le tour de faux cheveux gris qui faisait partie de son travestissement dramatique dans le rôle de la dame des Comtés du Nord. Ce tour avait été fripé au moment de l'emballage. Elle le posa sur son front et alla le rajuster devant son miroir. Son père l'a mis en garde contre Magdalen Vanstone, disait-elle, répétant le passage de la lettre de Mrs. LeCount, et riant amèrement tandis qu'elle se mirait dans la glace. Mais son père l'a-t-il aussi mis en garde contre Miss Garth? Je n'avais pas compté sur une si prochaine entrevue. Mais peu importe, nous saurons ce que demain doit amener.